Party avec le concours du Estin Import Lille et Paris. Bonsoir amis de l'espace, le commandant Cocteau, COCTO, dans la radio à bord du vaisseau le Space Party. Space Party, c'est pour la 7e fois un grand moment de radio. Space Party, c'est pour vous permettre d'exciter vos sens et ainsi engager un processus érotique. Eh ouais. À poil! parti. Dites oui aux ovnis. C'est parti. Coming in. down, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list. Time's not down, you're not coming in. Your name's not down, you're not coming in. Your name's not down, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming. Not tonight. Énergie, c'est le Space Party entre 1h et 2h tous les samedis pour découvrir des sons nouveaux et mystérieux. Écoutez-moi ça, c'est nouveau et c'est vachement mystérieux. Space Party, y'a que les filles qui m'intéressent. C'est quoi dire ça? I'm excited. The house of love. The house of love. The house of love. $50 or more. The house of love. $50 or more. The House of Gold. I am excited. Why not believe in me? You got to believe in something. Why not believe in me? Believe in something. Why not believe in me? You got to believe. You got to believe in something. That's house. I am excited. $50 or more. The House of

Better come down to the station, Marsh. Your son is dead. Dead? Who? He died of an overdose. Space Party sur Énergie. Énergie, le 7ème Space Party s'achève. Il va falloir attendre une semaine avant de faire du gloobie-boulga avec son Minitel, avant de s'apercevoir que les étoiles sont proches de nous, avant de vendre une R12 année 74 de 180 000 km moteur refait à neuf, prix à débattre. Si vous voulez connaître un titre de la programmation du Space Party, n'hésitez pas. Énergie, Space Party, 39 avenue Diana, 75 116 Paris, ou bien par le biais du Minitel, 3615 Énergie, boîte aux lettres Cocteau, COCTO. D'ici la semaine prochaine, méfiez-vous du vin qui dort. Plus fort que Batman, encore plus fort que la femme chat, c'est le commandant Cocteau. La semaine prochaine dans la radio, pour le moment, il a rejoint les siens dans la galaxie. Penchez-vous à la fenêtre, vous allez peut-être voir passer son ovni. Énergie, il est 2h du mat'.